C'est un putain de bordel qui vient du fin fond de la rue, du fin fond de la rue, du fin fond de la rue, du fin fond de la rue. C'est un putain de bordel qui vient du fin fond de la rue, du fin fond de la rue. C'est un putain de bordel qui vient du fin fond de la rue, du fin fond de la rue. C'est un putain de bordel qui vient du fin fond de la rue. Mon sang vient de la rue, c'est très du mon amertume. Marre de taffer comme une pute et de vivre sans thune. Fin de rêve brisé, déchu par la vie à 22 piges. Petit à petit, je vois s'éloigner cette vie de prestige. La rage au ventre, je veux manger ma part du gâteau. On a la dalle, on veut plus manger la gamelle dans mon ghetto. J'ai pas regardé trop film d'affranchi pour être aussi cru. Je sais pas d'où tu viens, mais mon son vient de la rue. C'est pour les mecs de l'autre côté de la berge. On fera tout ce qu'il faut pour ne pas finir barge. Le nom donne le pire et le meilleur. Donc garde mon équipe si tu veux pas finir buto, fils et mitrailleur. Mais si c'est chaud quand t'as pas de sous, la tête plein de soucis. Chez nous c'est la merde et bouillir remédier le canon aussi. Mais lâche un texte ici d'un quartier barge. Ouais mec, c'est la grand-mère, c'est un mec de garge. Ah, c'est ma dîne rue, ça va dans la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient de là où les halls résonnent comme des prisons. Là où l'atmosphère fait que les ch'tards nous méprisons. C'est ma dîne rue, ça va dans la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient de là où les halls résonnent comme des prisons. Là où l'atmosphère fait que les ch'tards nous méprisons. C'est un putain de bordel qui vient du fin fond de la rue. Entouré de mecs parents, je viens d'un environnement pourri où la vie n'est pas toujours rose et plus rare se font les sourires. Parfois obligé de courir pour éviter la prison. Ou du moins les gardiens de l'état que nous méprisons. Le plus dur est de garder la raison, quelle que soit la saison. Saisir la bonne occasion, se faire de la maille sans blinder son casier. Mettre tout le monde KO comme un certain dit phrasé. Sauf remplacer le ring en rue et mes patates en phrasé. Y'a trop de jaloux qui veulent m'écraser, mais c'est diable, y'a au moins qu'écrasé. Alors vas-y ferme ta gueule, moi c'est Biscan. Alors arrête de t'exciter comme un queue mais qui scam. A du calme, faut prendre son temps dans la vie. Ne pas agir sans réfléchir pour pas squatter les gardes à vue. Car moi j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et j'te jure que j'ferai tout mon possible pas finir entre quatre murs. Ah, c'est ma dîne rue, ça vient de la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient de là où les halls résonnent comme des prisons. Là où l'atmosphère fait que les ch'tards nous méprisons. Ah, c'est ma dîne rue, ça vient de la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient de là où les halls résonnent comme des prisons. Là où l'atmosphère fait que les ch'tards nous méprisons. Je sors direct du bitume, donc allez vous tous vous faire foutre. Bande de gang, j'fais mon truc, faut foutre ce business en cloque. Et puis fuck le show business, c'est pas d'une rue. Un pur produit de la banlieue parisienne et ses blocs au style. Faites gaffe, mes textes sont noirs de mon qui choque. On pense par tous que toutes les armes sont cibles, c'est carcoute. Ça représente leur soi-disant délinquance. Tous les mecs qui tiennent les halls de la rue, la résistance. Sortis de l'underground, anti-condé, anti-pouche. Solide comme les murs de ma thèse, mon rap t'aspire dans ta matrice. C'est pas la peine de jouer les grands, ni les gros bonnets au bras. Mon grand capot et tout ton clan, vous êtes trop petits devant mon son. Je veux pas te faire de leçons, mais défie pas mon rap de street. Équipé d'une mauvaise éthique, qui t'assomption sera critique. Vu que mes lyrics sont trop crus, sort de la rue les surines. Tous les bits que j'assassine, c'est comme ça que j'apprends mon assassin. C'est ma dîne rue, ça vient de la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient de là où les halls résonnent comme des prisons. Là où l'atmosphère fait que les ch'tards nous méprisons. C'est ma dîne rue, ça vient de la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient de là où les halls résonnent comme des prisons. Là où l'atmosphère fait que les ch'tards nous méprisons. C'est ma dîne rue, ça vient de la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient de là où les halls résonnent comme des prisons. Là où fait que les ch'tards nous méprisons. C'est ma dîne rue, ça va dans la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient là où les halls résonnent comme des prisons. Là où l'atmosphère fait que les ch'tards nous méprisons. C'est ma dîne rue, ça va dans la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient là où les halls résonnent comme des prisons. Là où l'atmosphère fait que les ch'tards nous méprisons. C'est ma dîne rue, ça va dans la rue, ce sont des mauvais garçons. De tous les good boys, de la mauvaise fréquentation. Ça vient là où les halls résonnent comme des prisons. Là où l'atmosphère.